Zambe, Hosanna Zambe, Hosanna Zambe, Hosanna Zambe, Zambe, Hosanna Zambe. Chante cela, chante cela. Hosanna Zambe, Hosanna Zambe, Hosanna Zambe, Hosanna Zambe. Alléluia, il n'y en a point d'autre. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Et il n'y en a point d'autre. C'est Dieu vint voir Moïse. Dans le buisson ardent. Et il dit à Moïse, tu diras à mon peuple, hein, celui qu'on appelle Je suis, m'est apparu. Et c'est lui qui m'envoie. Et il me dit que je vous fasse sortir d'ici. C'était un projet difficile. Pour le peuple d'Israël dans l'esclavage, c'était un sujet dangereux et même sensible. Qui pouvait dire en Égypte que nous allons bientôt sortir? Et qui pouvait écouter ça? Parmi les Égyptiens, un sujet sensible. Mais pour que cela arrive, Dieu dit à Moïse, tu leur diras, c'est lui qu'on appelle Je suis. C'est-à-dire qui était là avant que le Pharaon existe. Qui était là avant que l'Égypte existe. Et qui est là maintenant. Vous voyez, le Yahweh signifie Je suis en permanence. C'est-à-dire, je suis au présent avant que l'Égypte existe. Je suis là maintenant. Et je suis là demain. C'est-à-dire, personne ne va me rater. Dans tous les parcours, je suis là. Alors, va dire à mon peuple que c'est celui-là qui t'envoie. Ce qui s'est passé en Égypte, vous connaissez ça, vous le lisez dans la Bible, a permis que Israël sorte de l'esclavage. Je voudrais ici attirer notre attention. Pendant que nous voulons prendre nos 5 minutes, le Dieu à qui nous nous adressons, ici à Goma, ici à l'Arche, c'est le même Dieu ni ule Mungu du buisson ardent. Ambali kwa kwenye kichaka kinachowaka moto. Je voudrais vous poser la question. Ningependa niwaulize swali. Est-ce qu'il avait échoué? Je alishindwa? À un moment, Moïse revient. Kwa wakati moja Musa narudi. Devant le Seigneur. Anarudi mbele ya Bwana. Et il dit, Père. Na namwambia baba. Tu me compliques. Si wewe unaniangaisha. On va me lapider. Si watanipiga mawe. Depuis que je suis venu. Tangu siku nilikuja. Pour dire au Pharaon. Ili nimwambie Farao. De libérer le peuple. Achilie taifa. Il a plutôt aggravé la situation. Sasa amezidisha shida ya watu wa Israeli. Et Dieu lui dit. Na Mungu anamwambia. Tu verras maintenant. Utaona sasa. Ce que je vais faire. Ila ambao nitakayoifanya. Au Pharaon. Kwa ule Farao. Par une main forte. Kupitia mkono wa nguvu. Je vais faire sortir mon peuple. Nitaondoa taifa langu. Maintenant, qui est Pharaon pour nous? Sasa Farao ni nani kwa ajili yetu? Ce sont les trois ennemis du Congo. Ni wale maadui tatu wa Congo. Les mauvais Congolais. Mkongomani mbaya. Parmi lesquels il y en a même ici dans cette salle. Qui joue la carte du diable. Ambao wanacheza mchezo wa shetani. Le diable lui-même. Kuna shetani yeye mwenyewe. Et puis la convoitise internationale. Na kuna tamaa ya kimataifa. Quand on cite ces choses. Tunapotaja mambo haya. Et que vous regardez ce qui se passe dans le pays. Na mnaangalia inayopitikana ndani ya nchi. Et même autour de vous et là où vous passez la journée. Hata mahali ambapo unapitisha kazi yako. Vous avez raison de donner raison à cette phrase que certains msema, ont prononcée ambao wamoja walisema, à 10 ans. Wakisema, est-ce que c'est Congo là? Congo hii, c'est toi qui vas faire quoi ici? Je, ni wewe ambao utafanya kitu gani hapa? C'est, tu feras quoi dans ce Congo là? Wona wazo utabadilisha hii Congo. Mutu ache. Fonu lese. Acha tukule. Laisse-nous manger. Et puis il atosha. Et ça suffit. Après, on va aller au ciel. Peut-être en enfer. Ça si moja ni jehanamu. Ça dit que certains défis ni kusema shida flani des nations ya mataifa sont tellement élevés ni za juu sana que ça pousse ces gens à commencer à prier avec incrédulité. Na zinasukuma hawa watu wanaomba wakiwa hawaamini. Est-ce que le Dieu là même il saura faire quelque chose? Na unakuwa kiombo ukisema je ule Mungu kabisa atafanya kitu? J'aimerais vous annoncer. Ningependa niwatangazie. Que c'est Dieu là que nous prions. Ya kwamba ule Mungu tunayemwomba. C'est Dieu du buisson ardent. Ni ule Mungu wa kichaka kinachowaka. Ton voisin, il parle du Dieu du buisson ardent. Ambia jirani yako wanazungumzia Mungu wa kichaka kinachowaka moto. Ce qu'il a fait en Égypte. Aliyoifanya Misri. Il le fait aussi au Congo. Anaifanya pia Congo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Lorsque Miriam wakati Miriamu fini de traverser anamaliza kuvuka et que le peuple se retourne na taifa inageuka et watu wanageuka les chars de Pharaon nager wakiona magari ya Farao inaanza zama ndani ya maji nager au-dessus zikiogelea juu ya maji et l'armée nager na jeshi nao lilikuwa linaogelea. Miriam antonait cantique. Miriamu akaimbisha mwimbo. Quelqu'un chantera. Kuna mtu ambaye ataimba. Quelqu'un chantera. Kuna mtu atakayeimba. Alléluia. Amina. Alors, levons-nous, frères et sœurs. Tusimame dada na kaka. 400 ans. Miaka 400. 430 ans. 430. Ils étaient en Égypte. Walikuwa Misri. Dans l'esclavage. Ndani ya utumwa. Donc plusieurs générations. Ni kusema vizazi vingi. Il y en a qui disent. Kuna wanaosema. Dans le Congo. Ndani ya Congo. Depuis que je suis né. Tangu nilipozaliwa. Je n'ai jamais vu le Congo heureux, bien. Sijaona Congo nzuri. Il y en a qui sont en train de vieillir. Na kuna ambao wanazeeka. Et qui ont 50, 60 ans. Na ambao wanakuwa na miaka 50, 60. Et qui disent. Na wanasema. Je suis né à l'indépendance. Nilizaliwa kwa wakati wa ukombozi. J'ai pas vu le bonheur dont on parle à ce moment-là parce que j'étais un petit enfant. Sikuona heri ambao wanazungumzia kwa wakati ule kwa sababu nilikuwa mtoto. Depuis que je suis conscient. Lakini tangu nakuwa na dhamiri. J'ai pas vu le Congo vraiment dans son état. Sijaona Congo ndani ya hali yake ya heri. Cet état heureux n'attend que ta prière. Ile hali ya heri inangoja maombi yako. Et ce soir. Ya mangaribi ya leo. Tu peux prier. Unaweza kuomba. Et Dieu peut t'écouter. Na Mungu anaweza kukusikiliza. Est-ce qu'on peut prier les amis? Je tunaweza kuomba rafiki. 5 minutes. Dakika 5. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Prie. Omba. Tu es le même qui a visité l'Égypte. Dans les buissons ardents, tu as rencontré Moïse. Tu lui as parlé, il avait même refusé. C'était une mission difficile. Mais tu l'as contraint. Il est parti. Et au bout du rouleau, Myriam a chanté. Donne à ce peuple de chanter. Donne à ce peuple de chanter. Donne à ce peuple de chanter. Au nom de Jésus-Christ. Doya kababashata. Étends ta main. Comme tu le fis en Égypte. Libère cette nation. Et ses trois ennemis. Lève-toi et que tes ennemis se dispersent et ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Que le doigt de l'Éternel se promène partout dans le pays pour toucher tous ceux qui sont nuisibles à cette nation. Yahweh Dieu, fais justice à ce peuple dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi, ô Dieu, comme au jour des tiens. Lève-toi, ô Dieu, comme au jour de Moïse. Lève-toi, Seigneur, comme au jour de Samson. Lève-toi, Seigneur, comme au jour de David, et fais quelque chose. Nous pouvons compter sur toi. Tu es fidèle. Alléluia. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Tu ne changes pas. Tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ta puissance ne change pas. Ta volonté de sauver ne change pas. Ta volonté de faire du bien ne change pas. Tu es le prince des nations. Tu es le prince des nations. Rien ne te résiste. Tout est à toi. Par toi. Et pour toi. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout lui est soumis. Dans les cieux, les principautés sur la terre, les autorités, tout lui est soumis. Oui, dans les cieux. Alors tu vas commencer à soumettre toutes choses dans ce pays. Tu vas soumettre toutes choses à Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Dans les cieux. Le ciel du Congo doit être nettoyé. Les puissances de l'air, les principautés, les autorités, les démons, les activités occultes, la sorcellerie, les œuvres des ténèbres, ils lui sont soumis. Nous proclamons la soumission de la méchanceté, la soumission de la domination, la soumission des principautés, la soumission de toutes choses mauvaises. Seigneur, merci. Asante bwana. Merci pour le beau Congo. Asante kwa Congo nzuri. Merci pour notre héritage. Asante kwa urithi wetu. Béni le Seigneur. Uibariki bwana. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Asseyons-nous devant le Seigneur. Tuketi mbele ya bwana. Et nous poursuivons sur les menaces à notre destinée. Nous prenons la troisième menace. Tunaendelea na mashambulizi kwa hatima yetu, tunakamata shambulizi la tatu. J'aimerais qu'on les épuise aujourd'hui. Ningependa tuzimalize leo. La troisième menace. Shambulizi la tatu. C'est que ni kusema, la destinée peut être retardée. Hatima inaweza kucheleweshwa. Alléluia. Amina. La destinée, hatima, ta destinée, hatima yako, ou l'expression totale de ta destinée, ama kuonekana kwa hatima yako, ou l'expérience de ta destinée, ama kuishi hatima yako, ou la gloire de ta destinée, ama utukufu wa hatima yako, peut être retardée. Inaweza kucheleweshwa. Une de menaces sournoises, moja wapo ya shambulizi très dangereuses, ambazo ni za hatari, dans notre vie et notre marche avec Dieu, ndani ya maisha yetu na mwendo pamoja na Bwana, c'est l'incapacité, ni kutoweza, de prendre conscience, kuchukua zamiri, de la valeur du temps, ya samani ya wakati. Si dans ta vie, kama ndani ya maisha yako, tu ne parviens pas à comprendre la valeur du temps, haufikia kuelewa samani, tu risques de rater ta destinée. Unaweza kupoteza hatima yako. Dans Psaume 1, 3, ndani ya Zaburi moja, il est dit, il donne son fruit à sa saison. Biblia inasema ya kwamba anatoa matunda kwa wakati wake. C'est-à-dire, il y a une saison pour réussir. Ni kusema kuna wakati wa mafanikio. Il y a une saison pour atteindre un objectif. Na kuna wakati wa kufikia lengo. Il y a une saison pour arriver à quelque chose. Kuna wakati wa kufikia jambo. Cela implique, hii inaleta, que si tu rates cette saison, ya kwamba ukipoteza wakati huu, tu risques de rater la récolte. Unaweza kupoteza mavuno. Tu peux planter dans la saison qui n'est pas elle. Unaweza kupanda ndani ya wakati usio wa kupanda. Tu ne sauras pas récolter. Na hautaweza kuvuna. Comme celui qui a semé à la saison. Kama vile ule aliyepanda kwa wakati. Même quand tu fais beaucoup d'efforts. Hata kama unajikaza. Peut-être tu vas arroser. Sasa moja utamiminia. Peut-être tu vas faire ceci. Sasa moja utafanya hivi na vile. Tu ne sauras pas récolter. Hautavuna. Comme celui qui a planté dans la saison. Kama ule aliyepanda kwa wakati. Et il va récolter dans la saison. Na atavuna ndani ya wakati. La menace à notre destinée, shambulizi kwa hatima yetu, qui consiste à créer le retard, ambayo inahusu kuchelewesha, est sournoise. Ni ya kisiri. Souvent, nous ne nous rendons pas compte mara que cette menace est en train de nous ronger. Ya kwamba shambulizi hii liko inatuharibu. Les hommes disent, watu wanasema, ne remettez pas à demain usilete kesho ce que tu peux faire aujourd'hui. Ile ambayo unaweza kufanya leo. Et c'est biblique. Nani, parce qu'il faut faire dans la saison sababu inaomba ufanye ce qu'il faut faire dans la saison. Ila ambao unapaswa kufanya ndani ya wakati. Quand tu agis hors saison, wakati unatenda nje ya muda, c'est pas évident que tu vas réussir. Haiwezekane kufanikiwa kwako. Or tu dois réussir. Itapokuwa unapaswa kufanikiwa. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Agir à temps nommé, au bon moment, kutenda kwa wakati mzuri, est plus efficace. Ni ya nguvu sana. Si tu analyses l'essentiel de tes échecs, ukiangalia wingi wa kushindwa kwako, tu peux te rendre compte, unaweza gundua, qu'à 80% de ces échecs, ya kwamba asilimia makumi nane tu as agi hors saison. Ulitenda nyuma ya wakati. Tu as agi hors opportunité. Ulitenda nyuma ya fursa. L'opportunité s'est présentée. Fursa ilifika. L'esprit de retard. Na roho ya kuchelewa. T'a berné. Ikakuacha fasi moja. Et puis l'opportunité a coulé. Na kisha fursa ikaendelea. Peut-être tu t'es ressaisi vers la fin de l'opportunité. Na sasa moja ukachukua dhamiri mwisho wa fursa. Tu as commencé à agir. Ukaanza kutenda. Ça a commencé à marcher parce que la saison est encore là. Na mambo kaanza kuendeka sababu wakati ingali. Et puis finalement la saison s'est épuisée. Na kisha kwa mwisho wakati kaisha. Avant que tu n'aies fini de faire ce que tu devais faire. Bele uchamaliza kufanya ile ambayo ungepaswa kufanya. le retard. Kuchelewa. Mon frère, ndugu yangu, tu dois demander à Dieu de t'aider. Unapaswa kumomba Mungu akusaidie. À prendre conscience de la valeur du temps. Uchukue dhamiri ya samani ya wakati. Quelqu'un a même dit le temps c'est. Kuna mtu alisema wakati ni pesa. Le temps c'est de l'argent. Wakati ni pesa. Et lorsqu'une saison rate, na wakati mepotea, pour l'ennemi, kwa chili ya adui, lui il a réussi. Yeye amefanikiwa. Parce qu'il y a quelque chose qui allait lui coûter cher, sababu kuna jambo ambalo lingemsumbua, auquel il vient d'échapper. Na ameweza kuepuka. Bwana asifiwe. Amina. Quand nous lisons dans Daniel, tunaposoma ndani ya kitabu cha Danieli. Chapitre 10. Sura 10. Et chapitre 9. Na sura ya 9. Nous voyons Daniel prier. Tunaona Daniel yakiomba. Et il prie. Regardez cela un peu avec moi. Mone Daniel chapitre 9 et 10. Danieli sura 9 na 10. Bwana sifiwe. Amina. Au chapitre 9, verset 2, il est écrit. Imandikwa. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par le livre qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Alors, quand j'ai compris cela, nilipoelewa hiyo, j'ai fait quoi? Nikafanya nini? Verset 3, shaili la tatu, j'ai tourné ma face nikageuza vers le Seigneur uso wangu kwa kumomba yao, afin de recourir à la prière. Ili nifanye maombi. Dit à ton voisin, recourir à la prière. Ambia ndugu yako kimbilia kwa maombi. Lorsque tu comprends, wakati unaelewa, que la saison est arrivée, ya kwamba wakati umefika, recours à la prière. Kimbilia maombi. Lorsque nous avons compris tumeelewa, que la saison de la réussite a sonné, ya kwamba wakati wa mafanikio umefika, nous sommes entrés dans le tournant décisif tumeingia ndani ya kipindi ya pour recourir décisif à la prière. Ili tukimbilie kwa maombi. Bwana sifiwe. Amina. Je me tournais nikageuka et j'ai recouru à la prière. Na nikimbilie kwa maombi. Daniel comprend. Daniel anaelewa que la prophétie ya kwamba unabii qui prévoit ambao unatayarisha qu'il y aura 70 ans ya kwamba kutakuwa miaka pour les ruines de Jérusalem kwa ajili ya kuishi kuharibika kwa Yerusalema. La prophétie a sonné. Unabii umetimia. Il a compris dans les écritures. Na amelewa ndani ya maandiko. Et il ne sort pas na hatoke pour commencer à crier, hey, la prophétie a sonné, il recourt à la prière. Anakimbilia maombi. Et Gabriel, l'ange Gabriel, na malaika Gabrieli, vient le voir. Anakuja kumwona. Et il lui explique les choses. Na namufasiria mambo. Quand vous lirez la suite. Kama vile mnaweza kusoma inayofuata. Au chapitre 10, kwa sura 10, il est écrit au premier verset. Imeandika kwa shaili la kwanza. La troisième année de Cyrus, mwaka wa tatu wa roi des Perses, mfalme wa Persi, parole fut révélée à Daniel. Kuna neno ambalo lilifunuliwa kwa Danieli. Nommé Belshazzar. Ambao aliitwa Belshazzar. Cette parole qui est véritable. Na ile neno ambalo ni la kweli. Annonce une grande calamité. Inatangaza mateso makubwa. Il fut attentif. Akakuwa mwangalifu. À cette parole. Kwa neno hilo. Vous voyez? Il fut attentif à quoi? Akakuwa mwangalifu kwa nini? Et il eut l'intelligence. Na akapata akili. De la vision. Ya kupata maono. À ce temps-là, na kwa wakati ule, moi Daniel, mimi Danieli, je fis trois semaines dans les deuils. Nikafanya wiki tatu ndani ya kilio. Je ne mangeais aucun mets délicat. Na sikukula chakula nzuri. N'entradi ni viande. Sikukula nyama. Ni vin. Sikukula mvinyo. Dans ma bouche. Ndani ya kinywa changu. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les trois semaines furent accomplies. Na sikupaka mafuta mpaka ile wiki tatu ilipoisha. Et vous lirez la suite. Na unaweza kusoma inayofuata. Et pendant qu'il priait, alipokuwa kiomba, il veut comprendre quelque chose sur les calamités qui sont annoncées. Juu ya mateso ambayo umetangazwa. Or, depuis le premier jour qu'il a compris, ijapokuwa tangu siku ya kwanza alipoelewa, regardez le verset 12. Muangalie shahili la 12. Un ange vient le voir. Malaika anakuja kumuona. Et cet ange me dit, na ule malaika akamwambia, Daniel, Danieli, ne crains rien, usiogope kitu, car dès les premiers jours, tangu siku ya kwanza, où tu as eu à cœur ulipo kusudia maoni mwako, de comprendre, uelewe, et de t'humilier devant ton Dieu, na unyenyekee mbele ya Mungu wako, tes paroles, maneno yako, ont été entendues, yalisikilika, et c'est à cause de tes paroles, na ni kupitia maneno yako, que je viens, ninakuja. Ça fait 21 jours qu'il prie. Inafanya siku makumi mbili na moja anaomba. L'ange vient au 21e jour. Na malaika anakuja kwa siku ya makumi mbili na moja. Mais Daniel a été exaucé le premier jour. Lakini Daniel alitibiwa siku ya kwanza. Mere annoncé à quelqu'un. Ningependa ni mtangazie. Tu as été déjà exaucé. Ulisha kutibiwa. Mais il est possible. Lakini inawezekana. Qu'il y a quelque chose qui fait retarder ton exaucé. Ya kwamba kuna kitu ambacho kinachelewesha. La solution. Jibu. C'est de picler dans la prière. Ni kuingia ndani ya maombi. Si je parle à quelqu'un. Je namzungumzia mtu. Si Daniel priait comme nous autres. Kama Daniel aliomba kama sisi wengine. Où on commence le tournant. Tunaanza tournant. Deux jours après on arrête. Siku mbili unaacha. Et puis cinq jours après on reprend. Kisha siku tano unarudilia. L'ange aurait eu des ennuis. Malaika angesumbuliwa. Que dit l'ange? Malaika anasema nini? Au verset suivant. Kwa shahili nalofuata. Il dit le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mkubwa wa ufalme wa Waperesi aliweza kupigana na Mais voici Michael, lakini tazama Michael, l'un des principaux chefs au ciel, mmoja wa wakubwa mbinguni, est venu à mon secours. Alikuja na kunisaidia. Et je suis demeuré auprès des rois de Perse. Na nilikuwa hapo karibu na mfalme wa Persia. Je viens maintenant. Na nakuja sasa. Pour te faire connaître ce qui doit arriver. Ili nikujulishe ile ambayo unapaswa kufika. Bwana asifiwe. Amina. Le chef de Perse. Mkubwa wa Persia. C'est l'image des principautés qui contrôlent des nations. Ni picha ya mamlaka inayoongoza mataifa. Et qui contrôle les choses spirituelles qui se passent dans la nation. Vous savez qu'il y a des choses spirituelles qui contrôlent notre nation, n'est-ce pas? Et qu'en contrôlant les choses de la nation, or qui sont dans la nation? C'est les communautés, c'est les richesses de la communauté, ni utajiri wa ile mashirika, mais c'est aussi les individus dans la communauté. Lakini ni watu pia ndani ya ile mashirika. D'où tu peux te mettre en prière. Ni kusema naweza kuomba. Et pendant que tu attends ton exaucement. Na unapongoja kujibiwa kwako. Il y a une principauté. Kuna kuwa mamlaka. Qui repère. Ambao inagundua. Que le contenu de ton exaucement est dangereux pour lui. Ya kwamba inayokuwa ndani ya jibu lako ni hatari kwake. Qui repère. Ambao inagundua. Que cette affaire la destinée de cette fille. Ya kwamba hatima ya Uda est dangereux pour moi. Ni hatari kwangu. Est dangereux pour mon royaume. Ni hatari kwa chini ya ufalme wangu. Et lorsque l'ennemi constate cela. Na huyu anapogundua hiyo. Il résiste à ton exaucement. Anaanza kupigana na kujibiwa kwako. Toi tu ne sais pas. Na wewe haujui. Peut-être pendant cet temps, tu es en train de regarder au pasteur. Ça si moja kwa wakati ule unaanza kuangalia mchungaji. C'est pourtant le premier jour, pasteur aliniombeaka. Le premier jour le pasteur a prié pour moi. Et toi et le pasteur. Hata wewe hata mchungaji. On devrait rester pendant 21 jours. Tungepaswa baki siku 21. Parce que finalement, sababu kwa mwisho, c'est la prière de Daniel. Ni maombi ya Danieli. Qui fait que Michael vient. Ambao inafanya Michael yakuje. Bwana asifiwe. Amina. Michael vient. Michael anakuja. L'un des chefs de l'armée de l'Éternel. Mmoja wa wakubwa wa jeshi la Bwana. Et il vient intervenir dans le combat que Gabriel est en train d'opérer. Na anakuja kupigana ndani ya vita ambao Gabriel iko nafanya. Et il débloque la situation. Na anaweka hii hali na kuwa huru. Et Gabriel arrive. Na Gabriel anafika. Que Gabriel arrive dans ta vie. Gabriel afike ndani ya maisha yako. Que l'ange qui amène ton exaucement arrive. Malaika anayeleta jibu lako afike. Que l'ange arrive. Ule malaika afike. Mais tu as besoin de débloquer la situation. Par des prières musclées. Vous lirez ces deux chapitres. Vous allez voir comment Daniel prie. Il dit, je n'aime pas manger de viande. Parfois ici, quand nous disons manger léger, c'est quelques kilos de viande. Kilo fulani za nyama. Tu manges combien de kilos? Una kula kilo ngapi? Écoutez, la forme, les choses que nous auxquelles nous nous abstenons. Sikia mambo ambayo tunakataa. Ce n'est pas ce qui est important. Sio iliyo ya maana. Mais c'est cette consécration. Lakini ni ile kujitoa wakfu. Je vous ai dit hier, lorsque tu as le fardeau de la chose que tu cherches, il peut t'arriver d'oublier même pendant deux jours que tu n'as pas mangé. Et c'est ça le vrai jeûne. Pas ce jeûne où le matin, on voit l'enfant prendre du pain. On dit, et puis on coupe, nippe. On coupe un morceau, c'est pas encore le soir. Et puis on garde dans le placard. Et le soir, on prend le pain du matin, on prend la cuisse du poulet, la cuisse du poulet de midi. Et puis le biraï du soir. Il n'y a pas de fardeau. C'est quel genre de jeûne comme ça? Si tu fais de telles prières, le chef de Perse, il va faire disparaître ta prière. Ça ne sera pas seulement un retard. Ça va disparaître. Nous devons être sérieux dans la prière. Parce qu'il y a des combats qui ne dépendent pas de nous. À raison ou sans raison, le diable est intéressé à arrêter quelqu'un dans sa destinée. Il est intéressé, s'il se rend compte que tu es en alliance avec Dieu et qu'il ne saura pas te tuer, il ne saura pas te faire disparaître, il se contente au moins à faire retarder ta destinée. Or, lorsque ta destinée retarde, tu perds son efficacité. Tu ne réussis pas en fait ta destinée. Mais les hommes et les femmes qui s'engagent à poursuivre leur destinée et qui décident d'y aller jusqu'au bout, ils comprennent qu'ils ne vont pas se donner du repos. Esaïe 62. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de ma destinée, je ne me donnerai point du repos. Tu peux dire au voisin, pour l'amour de ma destinée, je ne me donnerai point du repos. Pour l'amour de ma destinée, je ne vais pas me donner du retard. Pas de retard. Vous savez, beaucoup de gens qui négligent les choses de leur destinée, c'est soit ils ne connaissent pas encore quelle est leur destinée, ou alors ils ont une petite information sur cela et ne comprennent pas la valeur de cela. Ils ne comprennent pas les richesses qui sont cachées dans leur destinée. Ah, ils prennent ça à la légère. Et ce sont eux qui vivent ces retards-là. Dieu dit à Abraham, dans Genèse 15, 13 à 14, il lui dit, ta descendance, il dit, sache que ta descendance, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans précis. 400 ans. miaka 400. Mais dans Exode chapitre 12 verset 40 à 41. Lakini ndani ya kutoka 12 makumi ne hadi makumi mbili na le séjour des enfants d'Israël en Égypte. Wana wa Israeli walibaki Misri. Fut de 400 combien? Miaka 400. Est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? Miaine makumi tatu sio ile ambayo Mungu alisema. Il y a 30 ans de retard pour sortir de l'Égypte. Miaka 3 ya kuchelewa ili watoke Misri. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini lipitikana? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un? Je kulikuwa mtu. Qui a pris conscience? Ambaye alichukua zamiri. Que le temps a sonné. Ya kwamba wakati umefika. Pour sortir de l'Égypte. Ili watoke Misri. Et qu'il devait se lever. Na kwamba angepaswa kusimama. Et vaquer à la prière. Na anze kuomba sasa. Et chercher Dieu. Na anze kumtafuta Mungu. Afin que l'intervention divine vienne à temps nommé afin que la réussite de la sortie arrive à temps nommé. Il y a des choses de ta vie qui sont retardées pour rien, qui sont retardées parce que tu n'as pas pris conscience, qui sont retardées parce que tu ne mènes pas une vie attentive. Tu rates beaucoup d'opportunités. Beaucoup de filles ratent les mariages. Beaucoup de frères ratent les femmes de leur vie. Kuna wandugu wengi ambao wanapoteza wake wa maisha yao. Il est encombré dans tout sort d'idées, de critères. Je veux une fille comme ça. Anajaza na mawazo mingi. Et puis la vie, et puis la, et la femme de sa vie vient, elle passe. Na mwanamke wa maisha yake anapita. Et puis il navigue dans ces idées-là. Na haya angaliki naona tu mawazo yake. Et puis il compare, il ramène l'image. Na kisa anaanza kuangalia una ule. Il prend l'autre image, il remet. Analeta ule na ule. Tu te compliques pourquoi? Wewe unajisumbua kwa nini? La femme de ta vie est déjà passée devant toi. Mais même quand tu vas prier pour essayer de la retrouver, ce ne sera pas facile. Tu risques de te retrouver avec quelqu'un, une autre femme, une fille. Ce n'est pas la femme de ta vie. Parce que tu n'as pas mené une vie attentive. Bwana asifiwe. Amina. Alors faites attention. Sasa fanya angalisho. Parce que l'esprit de retard. Sababu hii roho ya kuchelewa. N'a pas comme seul objectif de retarder. Haina tu lengo la kukuchelewesha. Mais aussi de supprimer ta destinée. Lakini ili uweze kuondoa hatima yako. Si tu continues dedans. Kama unaendelea ndani, tu vas retrouver ta vie épuisée. Utaona maisha yako imeisha. C'est-à-dire ta vie est finie. Ni kusema maisha yako imefikia mwisho na hakuna tena kitu. Tu as 70 ans. Unakuwa na miaka 70. Et maintenant tu te rends compte. Na kisha unaelewa. Tu avais des choses importantes tu devais faire. Ya kwamba kuna mambo ya maana ambayo ungepaswa kuifanya. Mais c'est tard. Lakini umechelewa. Il n'y a plus de bons reins. Hakuna tena figo nzuri. Le prostate a commencé à faire mal. Na kuna kansa ambayo unaanza kuwa ndani ya mwili. Na unaanza kukumbuka yo. Je devais faire ceci. Si ningepaswa kufanya hii. L'esprit de retard. Roho ya kuchelewa. A bousillé ta destinée. Ilipoteza hatima yako. Quatrième menace. Shambulizi la nne. Ta destinée peut être détruite ou tuée. Hatima yako inaweza kuharibiwa ama kuuawa. Je prendrai deux cas ou trois. Nitachukua mifano tatu ama nne. Regardez le cas des enfants d'Israël. Mwangalie mfano wana wa Israeli. Au temps de la naissance de Moïse. Kwa wakati wa kuzaliwa kwa Musa. Pharaon se rend compte. Pharaon anagundua. Que cette famille d'Israël. Ya kwanza hii ya kwamba itamaa Israeli. Est en train de devenir dangereuse dans le pays. Iko na kuwa hatari ndani ya nchi. Leurs femmes n'avortent pas. Na wanawake wao mimba zao haziharibiki. Et elles accouchent avant même que la femme sage arrive. Na wanafika mbele mwanamke wa kuwazalisha hajafika. Le pharaon appela quelques sages femmes. Na farao akaita wanawake wa kuzalisha na akawaambia. À partir de maintenant. Tangu sasa. Vous tuez tout enfant qui naît qui est garçon. Mtaua kila mtoto ambaye anazaliwa ni kijana. Et ils en ont tué. Na wakawaua. Et chaque enfant qu'on tuait na kila mtoto waliemua était une destinée qu'on tuait. Alikuwa ni hatima ambayo waliua. Chaque grossesse que tu tues, kila mimba ambayo unaua, que tu avortes, ambayo unaporomosha, c'est une destinée que tu tues. Inakuwa ni hatima ambayo unaua. Je parle à quelqu'un. Je namzungumzia mtu. Oh mama tasema nini? Mara hiyo baba taniua. Papa va me tuer. Qu'est-ce que maman va dire? Alors comme baba taniua, comme papa va me tuer, mina kaua. Au moins moi je tue cet enfant. Vous voyez ça? Vous voyez? Mnaona hii? Or le kaua là, ijapokuwa yeye kumua, en fait une destinée. Ni hatima ya mtu. C'est peut-être un Moïse là dedans. Sasa moja ni msa umo ndani. Je vous ai dit. Niliwaambia. Il n'est pas prévu. Haikutayarishwa. Que ce sera seulement les enfants légitimes. Ya kwamba itakuwa watoto wa ndoa. Tout. Qui seront importants dans la vie. Même les enfants que vous appelez bâtards, ils portent une destinée. Parce que la destinée ne se définit pas à la sortie du sein maternel. Ça se définit avant qu'on entre dans le sein maternel. Je m'adresse à quelqu'un qui est ici et qui s'est toujours minimisé. Et tu dis toujours, nous, nous sommes les bâtards. Apana. Ta destinée n'a pas été définie hatima yako par la manière dont tu es né. Haikuwekwa kwa elle a été définie avant que tu sois jeté dans ce sein-là. Mbele hautaingia ndani ya tumbo hiyo. Et donc, na nikusema, l'enfant que tu tues, même quand c'est une grossesse illégitime, mtoto ambao unamuua hata kama c'est une destinée que tu viens de tuer. Ni hatima ambayo umeiua. Et donc, beaucoup de bénéfices na nikusema faida nyingi que tu jettes dans la toilette ambao unatupa ndani ya choo. Ou que tu amènes chez un infirmier ou un médecin. Amba umebeba mbele ya mganga. Et puis on a kaponda ponda. Nana mponda. Bana finyanga ka kichwa. On commence à écraser sa tête. Bana kamaliza. On l'a fini. Bana katosha. On enlève cet enfant. C'est une destinée. Ni hatima ya mtu. Et tu viens mentir chez ta mère. Na unakuja danganya kwa mama yako. J'ai la malaria. Hakika nasikia kama na malaria. Uko na malaria. Tia la malaria. Assassin. Tu quoi, assassin? Si wewe ni muuaji wewe. Il se peut que cet enfant inawezekana mtoto huyo serait important angepaswa kuwa na maana dans la société ndani ya jamii et tu serais le bénéficiaire même na wewe ungefaidia. On ne sait jamais ha mtu ajuake. La destinée donc peut être tuée. Ni kusema hatima inaweza kuuawa. Et Pharaon veut tuer tous les enfants. Na Pharaon anapenda waue watoto wote. Il se rendait pas compte. Na alikuwa haelewe. Que c'est la saison. Ya kwamba ni wakati. De la naissance. Ya kuzaliwa. Du sauveur. Ya mukombozi. D'Israël. Wa Israeli. Heureusement. Bahati nzuri. Dieu veille. Mungu anakesha. La grâce de Dieu. Neema ya Mungu. Toucha la maman de Moïse. Ikakusa mama wa Musa. Elle comprit que cet enfant est tellement beau. Nakelewa ya kwamba huyo mtoto ni mzuri. La grâce frère. Neema ndugu yangu. Elle vient tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Inakuja kwa namna hii ya mwingine. La grâce peut venir comme une idée. Neema inaweza kuja kama vile wazo. La grâce peut venir comme une opportunité. Neema inaweza kuja kama fursa. La grâce peut venir comme un temps. Neema inaweza kuja kama wakati. La grâce peut même venir comme une difficulté. Neema inaweza kuja hata kama shida. Mais si tu mènes une vie attentive, lakini kama unaishi maisha ya uangalifu, tu vas te rendre compte utagundua ya kwamba que non, ça je ne peux pas faire. Hii siwezi kufanya. Et Moïse fut gardé na Musa akachungwa au palais royal ndani ya nyumba ya kifalme. Il eut toute la connaissance du pays d'Égypte et de son histoire. Na kapata maarifa yote ya Misri na historia yake. Il fut préparé par la famille du roi na jamaa ya mfalme afin de venir délivrer ili akuja okoe les esclaves watumwa de cette famille du roi wa hii jamaa ya mfalme. Alléluia. Amina. Plusieurs destinées ont été tuées. Hatima nyingi ziliuawa. Mais une destinée a été préservée. Lakini kuna hatima moja ambayo ilitukuka. Que Dieu préserve ta destinée par sa grâce. Mungu achunge hatima yako. Alléluia. Amina. Tu peux acclamer le Seigneur. Unaweza kumshangilia Bwana. Parce que si tu as atteint cet âge, sababu kama il y a une grâce qui est sur toi. Kuna neema ambayo iko tu serais peut-être déjà mort dans un accident ndani ya ajali, ou dans un avortement ungekufa ndani ya kuporomoka, ou dans la guerre ama ndani ya vita, ou dans quelque chose ama ndani ya jambo fulani. Mais la grâce de Dieu a été comme sur toi. Lakini neema ya Mungu ilikuwa juu yako. Comme pour Moïse. Kama vile juu ya Musa. Mais Moïse. Lakini Musa. pouvait aussi rater sa grâce malgré le fait qu'il a été sauvé. La Bible dit, Moïse, Musa, devenu grand, décida de ne pas continuer à jouir des richesses du Pharaon, mais d'aller souffrir avec son peuple. Il décida. Si Moïse n'avait pas fait cette décision, il allait mourir avec le Pharaon. Parce que comme petit, kama mtoto, grandit chez le Pharaon. Écoutez-moi bien. Il serait aussi enrôlé dans l'armée du roi. Et si Dieu prenait quelqu'un d'autre pour sauver Israël, Moïse serait dans le camp ennemi. Et quand ils allaient noyer dans la mer rouge, Moïse allait finir avec les pharaons dans la mer rouge. Mais attends, il a compris. Il dit, je refuse de continuer à jouir de ça. Je préfère aller souffrir avec mon peuple. Et Dieu s'est dit, c'est ça l'homme que je cherche. Je vais l'utiliser. Je bégaye. Kigugumizi. Dieu dit, ce n'est pas un problème. Iyo siyo shida. Tu as peut-être un handicap physique. Ambao ni wa mwili. Ce n'est pas un problème pour siyo Dieu. Shida. Dieu utilise Mungu anatumia même les gens qui ont des handicaps hata watu wanao ulemavu pour faire de grandes choses. Ili afanye mambo makubwa. Et même si c'est grave, hata kama ni hatari, Moïse, Musa, Dieu lui dit, Mungu akamwambia, je vais te faire Dieu. Nitakufanya Mungu. Et je vais créer un prophète. Na nitaumba nabii qui n'a pas les kigugumizi. Ambaye hana kigugumizi. Il va parler à ta place. Na atazungumza kwa niaba yako. Il mit en marche Aaron. Na akamwita Haruni. Qui devait jouer le rôle de porte-parole. Ambaye angepaswa kuwa msemaji. Au temps de Jésus, kwa wakati wa Yesu, Hérode, après avoir reçu le mage, kisha kuwapokea wale dans Matthieu 2, ndani ya Mathayo 2, il dit au mage, « Revenez m'indiquer l'endroit où se trouve cet enfant. » Cet enfant roi. Dans son cœur, c'est moi le roi ici. Si un petit roi vient, il n'a droit qu'à la mort. Vous allez m'indiquer là où on le trouve, je vais aller le corriger. Et les mages inspirés par le Saint-Esprit na ambao waliambiwa na Roho Mtakatifu sont passés ailleurs. Wakapita njia ingine. Quand le temps est passé, na wakati ulipopita, Hérode a dit, Hérode akasema, il y a des gens qui étaient passés ici. Kuna watu ambao walipita hapa. Ils ont dit qu'un roi est né. Walisema mfalme alizaliwa. Nous avons même vérifié dans les livres. Na tukachunguza hata ndani ya vitabu. Dans l'histoire. Ndani ya historia. C'était vrai. Ni kweli. Ce roi là on doit le retrouver. Wale ule mfalme tunapaswa kumwona. Parce qu'un roi pareil. Sababu mfalme kama na. Qui vient de la part de Dieu. Ambaye anakuja kwa niaba ya Mungu. Est dangereux pour nos royaumes humains. Ni hatari kwa ajili ya ufalme wetu wa wanadamu. Et il décida d'envoyer son armée à Bethléem. Et il égorgea tous les enfants de 2 ans et moins. Mais la grâce a fait dire à Marie et à Joseph, quittez ici, allez en Égypte. Le pharaon veut tuer l'enfant, plutôt les Hérode. Hérode a napenda mwe mtoto. Et ils sont partis. Na wakaenda. Et Rachel est restée pleurer ses enfants. Na Raheli akabaki akilia watoto wake. Une destinée peut être tuée. Hatima inaweza kuuawa. Elle peut être tuée. Inaweza kuuawa. Lorsque vous allez dans la vie, wakati unapoenda ndani ya vaille que vaille, maisha kiolela, vous pouvez rencontrer la mort de votre destinée. Unaweza kutana na kufa ya kifo cha hatima yako. Tu es entré dans une relation amoureuse avec une femme. Uliingia ndani ya uchumba pamoja na mwanamke. Elle était remplie de démons. Ijapokuwa alikuwa na jana mapepo. Et le diable a dit à cette femme, na shetani akamwambia ule mwanamke, une décharge umwange dans cet homme. Mapepo ndani ya ule mtu. Et le sort de cet homme, pourtant qui avait une destinée, devient malheureux. La plupart des gens, leur vie se sont gâchées lorsqu'ils ont rencontré un homme ou une femme. et même l'entourage na hata mazingara a constaté na ikagundua que cette personne n'est plus normale. Umtu haiko tena kawaida, haiko sawa. Sa destinée est tuée. Hatima yake imeuawa. Et quand le diable constate qu'il y a des gens qui intercèdent pour lui, ou les gens qui veulent le conseiller, il aggrave la situation. Et il devient fou. Et sa destinée est tuée. Le péché Zambi tue des destinées. Inaua atima. À ton voisin. Ambia jirani yako. Le péché. Zambi. Tu. Inaua. La destinée. Hatima. Dis-lui. Umwambie. Mieux vaut ne pas pécher. Heri usifanye zambi. Dis-lui correctement. Umwambie vizuri. La deuxième chose qui tue des destinées. Jambo ya pili nayo huwa hatima. Ce sont les méchancetés ou les attaques brutales qui donnent la mort. C'est pour ça que vous allez voir que les gens qui ont des grandes destinées, il arrive qu'ils rencontrent de graves épreuves, des situations dangereuses et graves. Parce que quand l'ennemi se rend compte que s'il envoie une prostituée, ça ne va pas marcher. S'il envoie l'argent, ça ne va pas marcher. Et s'il incite même à d'autres choses mauvaises, ça ne marche pas. Alors il cherche les méthodes brutales. Anatafuta sasa mambo ambayo itapitikana kwa rafla. Kuna kuwa ajali etc. Na mambo mengine. Afin de tuer cette destinée. Ili auwe ile hatima. Je prie que la destinée d'un argent soit préservée. Naomba hatima ya mtu wa kanisa ili. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. Et que tu la poursuives jusqu'au bout. Na uifuatilie hadi mwisho. Le troisième moyen. Jambo la tatu. Oui, c'est ce que je viens de dire. La mort brutale. Kifo cha ghafla. Les attaques de la folie. Na mashambulizi ya wenda wazimu. Le péché. Zambi. C'est des choses. Ni mambo. Qui arrêtent la destinée de quelqu'un. Ambao inasimamisha hatima ya mtu. Mais quand tu marches avec Dieu en intimité. Lakini unapotembea ndani ya Mungu pamoja na urafiki. Lorsque tu marches en complicité en alliance avec Dieu. Unapotembea ndani ya urafiki na agano pamoja na Mungu. Tu accumules la grâce sur toi. Unaleta neema juu yako. Unavutia neema juu yako. Tu attires les grâces de Dieu sur toi. Unavuta neema ya Mungu juu yako. Lorsque tu es en alliance avec Dieu. Unapokuwa na agano pamoja na Mungu. Il y a certaines choses de l'ennemi qui ne sauront pas réussir pour toi. Kuna mambo ya adui ambayo hayataweza kufaulu maisha yako. Bwana sifiwe. Amina. Bwana sifiwe. Amina. Prenons la suivante. Tukamate ya kufuata. La quantième? La cinquième. La destinée peut être avortée. Hatima inaweza kuporomoshwa. Kuporomoka. Alléluia. Amina. La destinée peut être avortée. Hatima inaweza kuporomoka. Lorsque vous lisez dans Genèse 49, 3 à 4, lorsque Jacob, le patriarche, il commence à faire les prophéties avant de mourir sur ses enfants, il prononce des paroles glorieuses sur chaque enfant. Mais au premier enfant sur qui il parle, il dit ce qui suit. Vous pouvez regarder cela. Il dit, Ruben, anasema Rubeni, toi, wewe, mon premier-né, mzaliwa wangu wa kwanza. Écoutez, soulignez les choses que Jacob mentionne. Mwone hii mambo ambayo Yakobo anasema. C'est des paroles glorieuses. Ni mambo makubwa. Digne d'une bonne destinée. Ambayo inastahili hatima nzuri. Il dit, toi, mon premier-né, anasema wewe mzaliwa wangu wa kwanza. Ma force. Nguvu yangu. Les prémices de ma vigueur. Nguvu yangu ya kwanza. Supérieure en dignité. Mkubwa kwa heshima. Supérieure en puissance. Mkubwa kwa uwezo. Impétueux comme l'eau. Unakuwa kama maji. Mais la suite est triste. Na inayoendelea inaleta hasira. tu n'auras pas la prééminence. Hautapata heshima ya ukubwa. C'est-à-dire, ni kusema, ce qui est prévu pour toi, ila mbao umetayarishwa kwa ajili yako, ce qui était prévu pour toi, ila mbao ulitayarishwa kwa ajili yako, tu étais mon premier-né, ulikuwa mzaliwa wangu wa kwanza, ma prémisse, ulikuwa nguvu zangu, ma force, ulikuwa nguvu zangu, mon héritier, ulikuwa mrithi wangu. Tu devrais avoir la double portion de l'héritage. Ungepasa kuwa na sehemu mbili ya urithi. Tu es puissant. Uko na uwezo. Tu devrais être puissant. Ungepasa kuwa na uwezo. Mais toutes ces choses ont avorté. Quel jour? Siku gani? Le jour où tu es monté sur ma couche. Siku ulipopanda kitandani mwangu. Ce fils aîné a couché avec la concubine de son père. Huu mtoto wa kwanza alilala pamoja na mchumba wa baba yake. Depuis ce geste-là, je ne sais pas si ça a fait deux jours. J'aimerais dire à quelqu'un ici, vous qui êtes aspiré dans le filet du sexe, vous mourrez pour rien. Jeunes gens, vitana, ce filet-là, c'est une tromperie. Ile wavu inakuwa ni kuwadanganya. Tu feras pas dedans deux jours. Hautafanya ndani siku mbili. C'est quelques secondes. Ni sekondi tu chache. Quelques minutes. Dakika chache. Et une destinée avorte. Na hatima yako inaporomoka. Ruben. Rubeni. Unafia nini? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, j'aimais la petite dame là de papa. Oh, nilikuwa napenda sana ule mwanamke mwingine wa baba. Kisha ukafanya nini? Piti afe kwa. Je suis allé avec elle. Nikaenda pamoja naye. Quelles étaient les conséquences? Na matokeo ilikuwa nini? Ma destinée a été avortée. Hatima yangu ikaporomoka. Vous voyez un peu cette lecture là? Mnaona hii mambo? À quoi ça sert? Inafanya nini? Non, il a dit qu'il m'aime, il a dit qu'il m'aime. Oh, alisema ananipenda. Alikuwa ananipulizia, alikuwa ananisumbua, nikaitika mara moja. Il m'avait déjà embêté, j'ai accepté. Il y a une destinée qui risque de avorter. Si celui qui sera mari de ta vie ne supporte pas de marier une fille mère, havumilie kuoa mwanamke ambaye amezaa, même quand il se rendra compte que c'est toi, hata kama atagundua kwamba ni wewe, et puis va regarder derrière, na kisha taangalia nyuma. Hata hapana, mimi natafuta mwenye hayazalaka bwana. Je vais chercher une femme qui n'a pas encore mis au monde. T'as dessiné avec cet homme-là. Hatima yako pamoja na ule mwanaume. Imefanya nini? A avorté. Imeporomoka. Avorté. Imeporomoka. Qui veut que sa destinée avorte? Nani anapenda hatima yake poromoke? Ruben. Ruben. Toi le fils aîné? Wewe mzaliwa wa kwanza. Vous connaissez l'histoire de Esaü avec Jacob lui-même. Si mnajua historia ya Esau na Yakobo. Esaü c'est l'aîné. Esau ni mkubwa. Tout est prévu sur lui. Yote imetayarishwa juu yake. Mais il vend son droit d'aînesse. Lakini anauzisha haki yake. Sa destinée de gloire avorte. Na hatima yake ya utukufu. Il commence à aller se marier à gauche. Anaanza kuenda kwa Jacob. Kaivua Jacob faire ceci. Anapoona Yakobo anafanya hivi. Il va aussi faire cela. Il commence à tâtonner à plein jour. Qu'est-ce qui t'est arrivé Esaü? Nini imekufikia Esau? Ta destinée a avorté. Hatima yangu imeporomoka. À cause de la bêtise dans la tête. Sababu ya ugumu ndani ya kichwa changu. La destinée peut avorter. Hatima inaweza kuporomoka. Qui est responsable? Nani ambaye anafanya hivi ikue? Tes choix, uchaguzi wako, tes décisions, maamuzi yako, peuvent faire avorter. Inaweza kuporomosha ta destinée. Hatima yako. Alléluia. Amina. On peut voir le cas d'Eli. Tunaweza kuona mfano wa Eli. Dans 1 Samuel 2:30. Ndani ya Samueli wa kwanza 2:13. Dieu lui dit. Mungu anamwambia. Vous savez, Eli ses enfants osuyaient le temple. Si mnajua Eli watoto wake walichafua. Eli n'a pas reproché ses fils. Na Eli hakuweza kuwarekebisha watoto wake. Dieu lui dit finalement au verset 30. Na Mungu anamwambia kwa shahidi la 13. J'avais déclaré. Tazama que ta maison et la maison de ton père. Ya kwamba nyumba yako na nyumba ya baba yako. Marcheraient devant moi à perpétuité. Zitatembea mbele yangu milele. À perpétuité. Milele. Autrement tu seras le sacrificateur avec ta descendance. Moi Dieu, j'avais déclaré cela. Mais regardez ce que Dieu dit. Il dit même maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, Inaïcha, c'est fini. La promesse de Dieu ya Mungu avorte. Inaporomoka. L'engagement de Dieu kujitoa kwa Mungu avorte. Imeporomoka. Le péché Zambi peut faire avorter ta destinée. Inaweza kuporomosha hatima yako. La négligence, kuzarau, les mauvais choix uchaguzi mbaya peuvent avorter ta destinée. Inaweza kuporomosha hatima yako. Mais ce soir, lakini mangaribia leo, j'aimerais que tu demandes la grâce de Dieu. Ningependa uombe neema. S'il est arrivé que ta destinée ait déjà été avortée dans un certain domaine. Kama imefikia hatima yako imeporomoka ndani ya uwanja fulani. La Bible dit et Daniel, Biblia nasema Danieli, s'est mis à recourir à la prière. Akakimbilia kwa maombi. Cette semaine, wiki hili, tu vas prier différemment. Utaomba kitofauti. Parce qu'il y a un aspect de ta destinée. Sababu kuna jambo qui a déjà avorté. Ambao umesha kuporomoka. Et que tu dois essayer de ressusciter. Na unapaswa kuifufua. Bwana sifiwe. Amina. Bwana sifiwe. Amina. La sixième attaque menace, shambulizi la sita, c'est que la destinée peut être attaquée. Hii hatima inaweza kushambuliwa. Je vous donne le cas d'Israël, na wapatia mfano wa Israeli, qui est sous attaque en permanence depuis des siècles. Ambao inashambuliwa zimepita miaka nyingi. Israël, Israeli, quel est ton problème? Shida yako ni nini? Le Dieu des cieux Yahweh, Mungu wa mbingu Yahweh, afin de prophétie sur nous. Alifanya unabii juu yangu. Et c'est ça qui est à la base de toutes les souffrances, des massacres en Europe, des déportations, toutes sortes de choses. Pourquoi? Il y a une bonne destinée sur Israël et les Arabes, na wa Arabu, les musulmans wa Islam, et tous ces peuples-là. Na ile mataifa yote, ils se disent wanasema, non. Apana. Et ils se battent pour une ville, Jérusalem. Ils disent, Jérusalem, c'est notre capitale. Ils se disent, nous, on est déjà rentrés dans notre pays. Israël sera notre capitale. Et les grands du monde actuel disent, je vais aller mettre mon ambassade là-dedans. Et le monde s'agite. Et les gens se réunissent quelque part dans les pays voisins. Et ils disent, mutu apime. Et puis l'homme là, il commence à faire sa chose. Et puis le monde tremble. On dit, qu'est-ce qui va nous arriver? C'est la fin du monde. Pourquoi? Sababu gani? Il y a une destinée sur ce peuple. Kuna hatima juu ya ile taifa. Et ça suscite. Na inaleta. Les jalousies. Inaleta chuki. Ça suscite des attaques. Inaleta mashambulizi. La destinée qui est sur toi. Hatima iliyo juu yako. Peut te susciter des attaques. Inaweza kukuletea mashambulizi. Peut te susciter des jalousies. Inaweza kukuletea chuki. Peut te susciter des menaces. Inaweza kukuletea mashambulizi. Mais sois confortable. Lakini ukuwe na nguvu. Parce que lorsque Dieu est avec toi. Sababu Mungu anapokuwa pamoja na wewe. Quoi que l'ennemi fasse. Ijalisi yote ambao adui anaweza kufanya tuliona jana. Dieu dit à Balaam. Mungu anamwambia Balaamu. Tu ne maudiras pas ce peuple. Hautalaani taifa hili. La Bible dit. Biblia inasema. Il donne des ordres au roi. Anawaamuru wafalme. À cause de nous. Sababu yetu. Dieu menace des rois. Mungu anapigana na wafalme. Dieu menace des nations. Mungu anapiganisha mataifa. À cause de toi. Sababu yako. Et Israël, c'est la preuve. Na Israeli inakuwa ni kitambulisho. C'est un peuple qui serait déjà supprimé depuis des siècles. Ni taifa ambalo lingekuwa ishaondoka tangu miaka zilipita. Mais ils sont encore là. Lakini wangali. Et ils seront là. Na watakuwa tu. Même dans la période de l'Antéchrist. Hata wakati wa mpinga Kristo. Ils seront là. Watakuwa hapo. Et ils vont traverser ces moments-là. Na watapita hii wakati. Alléluia. Amina. Lorsque Dieu prévoit une destinée sur quelqu'un, wakati Mungu anatayarisha hatima yako, il est vrai. Ni kweli. Qu'il collabore avec toi. Anazungumza pamoja na wewe. Dieu travaille avec Mungu nous. Mungu anatumika pamoja na wewe. Pour que s'accomplisse notre destinée. Ili hatima yetu iweze kutimilika. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Nini anayongojea kwetu? Que nous prenions l'engagement. Twende tukajitowe. Rappelez-vous. Mkumbuke. Nous sommes en train de parler de la quantième base. Tuko tunazungumzia msingi wangapi? La quantième? Msingi wangapi? phase de la réussite, la quantième. Msingi wa ngapi? Et la deuxième base, c'est laquelle? Na ni nini? S'engager. Kujitoa. À poursuivre. Kwa kufuatilia hatima yako. Poursuivre sa destinée. Kuifuatilia. Le rôle que Dieu nous donne dans l'accomplissement de notre destinée, c'est que nous nous engageons à la poursuivre. Parce que Dieu ne veut pas fonctionner avec des enfants gâtés. Il marche avec des enfants actifs. C'est pourquoi il est écrit. Quand il trouve un homme habile, il siège avec le roi. Dieu aussi a besoin des enfants habiles à qui il a assigné une destinée. Il a mis une destinée sur toi et il aime t'amener dans ta grandeur. Que Dieu t'amène à ta grandeur parce qu'il te trouvera habile. Alléluia. La septième menace, c'est que la destinée peut être couverte. Hatima inaweza kufunikwa. Couverte. Kufunikwa. Regardez le cas d'Esther. Mwangalie mfano wa Esther. Esther signifie Esther anamaanisha étoile couverte. Nyota inayofunikwa. Au point de ne pas bien briller. Ili siweze kuangaza vizuri. Comme il faut. Kama inavyofaa. Il y a des Esther ici. Kuna maesta hapa. Les Esther levez les mains. Wa Esther mnyoshe mikono. Ok. Esther veut dire. Esther anamaanisha. Étoile couverte. Nyota ambayo inafunikwa. Au point de ne pas bien briller. Ili siweze kuangaza vizuri. Il y a notion d'étoile. Kuna kuwa hapa nyota. Il y a notion d'étoile cachée et couverte. Lakini kuna nyota ambayo inafunikwa. Beaucoup de gens portent des étoiles. Watu wengi wanakuwa na nyota. Mais qui sont menacés par un manteau noir. Lakini ambazo zinasambuliwa na koti nyeusi. Ou une ombre noire. Ama kivuli nyeusi. De telle sorte que leur étoile. Kwa jinsi ile nyota yao. Ne sort pas. Haitoke na kuondoka. Or vous savez. Ijapokuwa mnajua. Notre destinée. Hatima zetu. Interagissent avec les autres. Zinatumika pamoja na zingine. Ma destinée. Hatima yangu. Interagit avec vos destinées telles que vous êtes assis. Inatumika pamoja na hatima zenu jinsi mnakaa hapa. Si j'agis mal dans ma destinée. Kama natumika vibaya ndani ya hatima yangu. En tant que votre pasteur. Kama vile mchungaji wenu. Vos destinées vont connaître des problèmes. Hatima zenu zitakuwa na shida. Si ma destinée est couverte, kama hatima yangu inafunikwa, il y a des choses, kuna mambo, que vous allez manquer, ambao mtayakosa, dans vos destinées. Ndani ya hatima zenu. Lorsqu'une étoile est couverte, wakati nyota inafunikwa, elle n'éclaire pas. Haiangazi. Et lorsqu'elle n'éclaire pas, na wakati haiangazi, les gens qui ont besoin de cette étoile, watu wanaohitaji nyota, ne bénéficient pas d'elle. Hawaifaidi. Les gens à qui cette étoile, watu ambao hii nyota, doit bénéficier, ambao wangepaswa kuifaidia. Ils ne vont pas repérer hawataona où elle est. Iko wapi? Est-ce que vous me captez? Je mnanielewa. Ton étoile, nyota yako, est utile pour toi. Ina mafaa juu yako. Est utile pour les autres. Na ina mafaa kwa ajili ya watu wengine. Mais lorsqu'elle est cachée, lakini inapofichwa, et toi et les autres, hata wewe na watu wengine, n'en bénéficie pas. Hakuna atakayefaidia. Il arrive même, inafika hata, que ton étoile, nyota yako, est caché à toi-même. Inafichwa ndani yako wewe mwenyewe. Kwako wewe mwenyewe. C'est-à-dire toi-même tu ne vois pas ton étoile. Ni kusema wewe mwenyewe hauone nyota yako. Tu ne sais pas le percevoir. Haujui kuiona. Tu te regardes toujours comme une ombre noire. Unajiangalia kama kivuli nyeusi. Tu regardes ta vie comme une bêtise. Na unaangalia maisha yako kama mambo ambayo hayaendeki. Toi-même tu ne vois pas que tu es une étoile. Na wewe mwenyewe uone ya kwamba wewe ni nyota. À plus forte raison les autres. Sasa uone wengine. Ne perçoivent pas ton étoile. Hawezi kuona ile nyota yako. C'est comme ça que vous entendez les gens dire. Ndio maana unasikia watu wakisema. Vraiment, je ne comprends pas. Kabisa sielewe. Hey, ma sœur. Dada yangu. Tu as déjà dit à une amie, non? Sumesha mwambia rafiki. Niangalie kwanza. Il faut me voir vraiment. Est-ce que vraiment si pendezaki? Est-ce que vraiment je suis pas belle? Ça vous est déjà arrivé? Simesha wafikia. Je suis pourtant belle. Si mimi ni mrembo. Mais j'ai 30 ans. Lakini na miaka makumi tatu. Ata garso moya. Même un seul garçon. Ata tone. Même un seul garçon. Aya niombaka mukono. Il m'a jamais demandé. Bana niangalia comme si abanione. Il me regarde comme si il ne me voyait pas. Ce soir. Mangaribi ya leo. Il y a un manteau que tu dois lever. Kuna koti ambayo shetu itoshe. Pourquoi on te voit pas? Sababu gani hawakuoni? Tu es un Esther. Wewe ni Esther. Ou une Esther. Unakuwa Esther. Ton étoile est voilée. Nyota yako inafunikwa. Les richesses qui sont en toi. Utajiri ulio ndani yako. Sont voilées. Zinafunikwa. Ta destinée. Hatima yako. Est voilée. Inafunikwa. Il faut qu'elle sorte. Inaomba itoke. Qu'elle commence à briller. Inaanza sasa kuangaza. Qu'elle commence à éclairer. Inaanza sasa kuangazia. Afin que ili ta génération. Kizazi chako. Bénéficie de toi. Kende kikafaidie. Vous savez, c'est grave. Mnachua ni hatari. Lorsque nous terminons notre vie, wakati tunamaliza maisha yetu, dans ce genre de contexte, ndani ya mambo kama na haya, et puis on finit par se détester, na kisha wewe mwenyewe unajichukia. Il y a des sœurs qui se détestent. Na kuna wadada ambao unajichukia. Même si tu lui dis, ma sœur, tu es belle. Hein? Hata kama unamwambia dada wewe mrembo. Elle se fâche contre toi. Anakukasirikia. Elle dit que tu t'es moqué d'elle. Nasema wewe ulinizihaki. Parce qu'elle-même n'a jamais compris qu'elle est. Yeye mwenyewe hajaelewa ya kwamba yeye ni mrembo. Ou alors la société n'a fait que lui dire que tu es toka pale ona. Ama watu walimwambia tu ala. Alors que c'était une étoile dedans. Itapokuwa alikuwa na nyota ndani yake. Que ton étoile sorte ce soir. Nyota yako itoke magharibi ya leo. Alléluia. Amina. Il s'agit pas d'étoiles seulement des femmes. Haiko tu nyota ya wanawake. Regardez. Muangalie. Tu vas dans un test. Unaenda ndani ya mtihani wa kazi. C'est pourtant toi la personne qu'on doit engager. Mais kazi. Les jurys, ils ne voient pas ton étoile. Et ils engagent quelqu'un là na mtu kazi. Qui ne leur servira à rien. Hata, hata kwa alors kitu. Que c'est dans ta destinée ni ndani qui a les solutions de cette entreprise. Kwa ile kampuni. Ton étoile nyota yako est voilée. Inafunikwa. On a vu des jeunes gens qui étaient brillants en classe et qui mashule. Vous donnaient des leçons, qui vous expliquaient les cours. Mais quand viennent les examens d'État, lakini wakati mtihani wa serikali nafika, wanashindwa. Ou même ils terminent les études. Hata unamaliza masomo. Il est suffisamment intelligent. Anakuwa akika na akili. C'est lui qui était brillant en classe. Ni yeye ndiye aliyekuwa na akili sana. Et ceux qui étaient bourriques. Na wale ambao walikuwa vichwa bunga sont engagés. Wanapata kazi. Ils deviennent des DG. Wanaanza kuwa wasimamizi wa makampuni. Et quand ils les voient. Na napowaona. À la télé. Wanamuona anawaona kwenye runinga. Unaona le ministre. Tu vois ce ministre là. Mais il doit m'expliquer mathématiques. C'est moi qui l'expliquer la mathématique. Est-ce que quelqu'un peut se débarrasser de ce voile-là? Quelqu'un doit se fâcher ce soir. Et dit toutes ces menaces. Je ne vais yote. Pas céder à aucune. Sita kubali hata moja inishinde. Levons-nous. Tusimame. On va prier. Tutaomba. Daniel. Danieli. Se tourna. Akakeuka. Et il vacant dans la prière. Na akaenda ndani ya maombi. Malgré le temps que ça a fait, il a réussi. Aliweza. Parce que ce qu'il voulait sababu est arrivé. Ilifika. Malgré les obstacles, hijalisi vipingamizi. Malgré les jours que ça a pris, hijalisi siku iliyokamata. Mais la réponse est arrivée. Lakini jibu quelqu'un ilifika. Ce soir mutu doit leo. Faire arriver sa réponse. Anaweza kuleta c'est pourquoi jibu hier yake. Je vous disais, nous allons prier pour le ciel de notre église. Tu tombes à anga la kanisa letu. Tu dois prier régulièrement pour le ciel de ta vie. Unapasombea anga kila et libérer le ciel de ta vie. Na wendoka weke huru anga la maisha yako. Et débarrasser le ciel de ta vie. Na wendoka weke huru anga la maisha yako. De ces voiles là. Ya ile de ces obstacles. de ce chef de Perse, ou chef de Goma, ou chef de Congo, débarrasser ces chefs spirituels afin que les bénédictions qui sortent du trône de Dieu arrivent à destination. Quand tu arrives à les palper, tu dois vérifier la manière dont tu fonctionnes afin que tu sois capable de repérer les diverses attaques contre ta destinée. Poursuivre ta destinée signifie vaincre toutes ces sept menaces. Vivre ta destinée avec la conscience qu'il y a des menaces. C'est-à-dire, j'avance et j'avance. Je sais qu'il y aura des difficultés, mais j'avance. Je sais que c'est difficile, mais j'avance. Voilà poursuivre. Poursuivre ne signifie pas s'asseoir dans un coin en train de pleurer. Est-ce que je vais arriver? Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Les gens de cette église ne me voient même pas. Regarde, Seigneur! Aie pitié de moi! Non! Poursuivre la destinée, c'est que tu te mets en marche. Et tu acceptes ce que Dieu a dit de toi. Tu lèves la tête. Et tu avances comme un lion. Alléluia. Et tu brises les obstacles. Tu marches sur tes ennemis. Tu marches sur les menaces. La Bible dit, avec Dieu, je saute une muraille. Avec Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Avec Dieu, je ne reviens pas avant de vaincre mes ennemis. Parce que je fais quoi? Je poursuis ma destinée. Est-ce que tu peux faire comme moi? Il faut faire un petit échauffement. Poursuite à ma destinée. Nous allons aller dans la poursuite de nos destinées. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Acclame le Seigneur. Sangilia buona. Acclame le Seigneur. Sangilia buona. Acclame le Seigneur. Sangilia buona. Acclame le Seigneur. Sangilia buona. Crie devant lui. Wendo kalie mbele. Lance un cri de guerre. Lance un cri de guerre. Contre les ennemis de ta destinée. Lance un cri de guerre. Dis au monde des ténèbres que tu as compris. Dis au monde des ténèbres que tu es prêt. Dis-leur que tu es debout et que tu vas avancer. Tu vas avancer et tu vas marcher sur tes ennemis. Commence, vas-y.